Mort, je le prends du service. Des MC, j'en boufferai par 10. Ne parle pas mal, mon crew de ma famille. Y'a des chances que tu traverses les pare-brises. J'suis un mec cool, mais quand ça me prend, j'pète une durite. Ferme ta gueule, viens pas jouer les puristes. J'suis pas sur l'instru pour jouer les touristes. Fous ta ceinture et assure-toi, touriste. Blague, brut, attaque, truc. J'peux te raconter en un 16. On aime la violence de Scorsese. On aime quand l'histoire va se corser. Tempérament speed, j'démarre au quart de tour. Comme un 6.3. 2.30 sur la A6. Comme des cops dans le poste, j'perds mes 6 points, quoi. Chez nous, l'Afrique, y'en emmerde. Monsieur l'agent, faites-moi une aide d'honneur. Le projet enfin dans les bacs, les boycotteurs, je leur fais un doigt d'honneur. Je change de flow comme de slip et de pompe. Ne mélange pas à ton dîner de con. Tu vas bientôt sentir la tête pas. J'ai pesé ce rap game sans podcast. Et pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils pèsent? Des tonnes, des kilos. Mais pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils rappent bien? S'il te plaît, hey, dépose. Dépose le stylo. Mais pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils pèsent? Des tonnes, des kilos. Mais pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils rappent bien? S'il te plaît, hey, dépose. Dépose le stylo. Mais pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Pareil que c'est la crise dans le rap aussi. Je suis pas partie de ceux qui rappent pour les poussis. Trois lettres, ISF et la diff est faite. On vient reprendre nos durs en nous, nos pépettes. Ce qui nous sépare de vous un fossé. Vous mentez, vos propos sont faussés. On n'a pas attendu l'ascension de Facebook et de Twitter pour bosser. Ils envoient des pics, ils se prennent pour des cactus. Pour piquer brut, il t'en faudra plus. J'ai trop d'avance, je suis trop speed. J'ai construit mon studio dans un Brabus. Poussez-vous, laissez-moi agrailler dans la gamme. Ce n'est pas parce que je parle de baisser de rap game qu'il faut que tu me prennes pour un zemmer. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Des critiques, moi je m'en sers pour me torcher. Ce qu'on veut c'est rentrer dans la légende, mais bien sûr sans écarter les jambes. On fait du rap depuis le collège, on sait reconnaître ce qui est lourd et ce qui est trop léger. Impressionnant sans forcer, comme dirait Youss Brut, on se connaît. Pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils pèsent? Des tonnes, des kilos. Mais pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils rappent bien? S'il te plaît, hey, dépose. Dépose le stylo. Mais pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils pèsent? Des tonnes, des kilos. Mais pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils rappent bien? S'il te plaît, hey, dépose. Dépose, dépose le stylo. Mais pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Pourquoi? Mais pourquoi? Et pourquoi pensent-ils qu'ils rappent bien? Et pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi? Et pourquoi? Jamais, jamais. Pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils pèsent? Des tonnes, des kilos. Mais pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise? Et pourquoi pensent-ils qu'ils rappent bien? S'il te plaît, hey, dépose. Dépose le stylo. Mais pourquoi pensent-ils qu'ils peuvent taise?